juste l'enchaînement, là. Ouais. Ça saisit, ça va être les deux passes enchaînées, genre. On va faire un bout de la première. Il faudrait se faire un signe pour changer, par exemple. Bon, enlever mon bras dans les airs, puis on monte à l'air, puis on. Là, on va tomber. Ouais, il faudrait monter à l'air, genre, puis. Ah, c'est bon, c'est beau. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait là? Feeling, man. Feeling. Tiens là. Ok. Stop ça.